YW Gizi Ouzou Bang Bang. Je n'ai plus rien à perdre. Plus rien ne peut m'attendre. C'est haram d'écrire au Père Noël. Moi je l'ai quand même fait. Il m'a rien ramené, j'ai commis des méfaits. Posé en bas de ta cité, encore un décès. On a grandi dans la rue, gros, on sait ce que c'est. Merde, quand j'étais en chien, t'étais pas là. Eh vas-y, mais c'est pas lourd. J'étais dans la cage d'escalier, hein. Il faisait froid, je dormais tout seul. Du placard, des bagarres. J'ai jamais connu la douceur. Bah ouais, j'étais dans la rue, je lisais pas de comics. J'ai pris mon exemple sur Malcolm X. Et bientôt je me repars en Africa. Je vais laisser mes feuilles, mon shit et mon briquet. Les petits de ma tête, bah ils sont tous tricards. Ils traînent de Valenton jusqu'à Riquet. Je leur dis jiggery check. Parce qu'on a des biggery bang, des biggery fling et des biggy biggery dang. Pas de balance dans la gang et celui que fait on le saigne. On a la patate de Bruce Lee et le coup de pied de Jackie Chan. Ah, je viens d'un endroit où on n'a pas de lover. Je viens d'un endroit où il n'y a pas de lover. J'ai des nouveaux cousins, je les avais jamais vus. Ils m'ont appelé parce que j'étais en cover. Et toi tu croyais me faire mais j'ai tout cru. C'est moi le boss de fin quand il y a écrit game over. Tout ce que nous devons décider c'est que faire du temps qui nous est imparti. Je fume un spliff avec quelques potes. Dans ma street y'a de la bête de drogue. Depuis que j'ai 16 ans moi je baisse le proc. Je fais du sale mais je reste propre. J'fume un spliff avec quelques potes. Dans ma street y'a de la bête de drogue. Depuis que j'ai 16 ans moi je baisse le proc. J'fais du sale mais je reste propre. Moi dans mes textes je te mens pas. Tu peux demander à Mopi. Pour dealer ou pour voler on était toujours au B. J'gardais le shit de Charlie. J'ravitaillais les drogués. J'rentrais chez toi et j'me barrais un peu comme Mary Poppins. On sait pas faire de la magie mais on s'est multiplié. Ici on est tous grillés, on s'en fout des petits billets. Cash flow, flashball dans les gencives. Bastos, grave chaud, j'en ai dans le slip. Qu'est-ce que tu vas faire si jamais on te fait un guet-apens? Personnellement, j'ai déjà posé mon testament. C'est pour mon fils et ma femme, je voulais leur donner la lune. Moi j'ai que ma bite et ma lame, moi j'ai que mon rap et ma plume. Un poteau bloqué dans le sud à cause de la prison. Mais s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Je savais que j'y arriverais, j'en avais des visions. 20 kilos en sac de riz quand on allait en mission. RERC, bibliothèque, à l'époque je lisais. Et je suis parti en couille quand je suis passé au chichon. Et allez, barre-toi de la cité, c'est ce que les mains me disaient. J'ai commencé le rap, j'ai arrêté les litrons. Et ouais, j'écris des rimes de bandits. Tu bédaves sur ma PR, poto, tu vas bader. Y'a des bons qui sont béton pour des queues trupidons. Et ceux qu'on verra jamais parce qu'ils sont fait plomber. J'fume un spliff avec quelques potes. Dans ma street y'a de la bête de drogue. Depuis que j'ai 16 ans moi je baisse le proc. J'fais du sale mais je reste propre. J'fume un spliff avec quelques potes. Dans ma street y'a de la bête de drogue. Depuis que j'ai 16 ans moi je baisse le proc. J'fais du sale mais je reste propre. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.